soucis. Ma mignonne, si j'avais les bons soucis que ma mignonne m'en donne. Si j'avais le bon chapeau que ma mignonne, ma mignonne, si j'avais le bon chapeau que ma mignonne m'en donne. Si j'avais le bon chapeau que ma mignonne, ma mignonne, si j'avais le bon chapeau que ma mignonne m'en donne. Le chapeau du bec des beaux, mais celui-ci, si il y avait les yeux dorés, mais celui-ci, si sans. Si j'avais la boucle avec ma mignonne, m'en donner. Si j'avais la boucle avec ma mignonne, m'en donner. Le palais du Béforé, le chapeau du Pégrébo, mais si j'y sire, il y avait le lien doré. Mais si j'y sauve, ma mignonne, si j'y sauve. Si j'avais la belle chemise que ma mignonne, ma mignonne. Si j'avais la belle chemise que ma mignonne, m'en donner. Si j'avais la belle chemise que ma mignonne, m'en donner. La chemise du Béla Prise, le palais du Béforé, le chapeau du Pégrébo, mais si j'y sire, il y avait le lien doré. Que ma mignonne m'a donné. La tête m'a dit la chemise, pas la brise, la galette, pas évoré, le chapeau, pas que pour les souliers, si il n'y a pas l'air d'or. Ma mignonne, mais si il sent, ma mignonne, mes amours. Si j'avais les bêtes, il a que ma mignonne, ma mignonne. Si j'avais les bêtes, il a que ma mignonne m'a donné. La chemise, la brise, la galette, la forêt, le chapeau du bec, le cou, mais si il s'y est, il y a bel et bien l'or, mais si il s'en roule, ma mignonne, ma mignonne, mais si il s'en roule, ma mignonne, si j'avais les bons chaussons que ma mignonne, ma mignonne, si j'avais les bons chaussons que ma mignonne, ma mignonne, les cousins du bel ouzon, les culottes du bec, la brise, la galette, la forêt, le chapeau du bec, le cou, mais si il s'y est, il y a bel et bien l'or, mais si il s'en roule, ma mignonne, ma mignonne, mais si il s'en roule, ma mignonne, mes amours, si j'avais la même calotte que ma mignonne, ma mignonne, si j'avais la mes souliers sont rouges, ma mignonne, ma mignonne. Mes souliers sont rouges, ma mignonne, mes amours.